Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Tous les sujets deviennent-ils bons par les mérites de l'auteur, selon la formule d'un Delacroix qui précéderait les actes révolutionnaires d'un Marcel Duchamp qui introduit des objets ordinaires tels l'urinoir dans le musée. Les grands artistes et les grands scientifiques défient-ils les probabilités? Comment le mathématicien Henri Poincaré, tenant du hasard, et l'écrivain Robert Musil, tenant de la causalité sociale mise en dialogue par Jacques Bouvresse, peuvent-ils relever d'une physique sociale? Comment se comportent les professions qui revendiquent un statut social élevé, demande le sociologue Pierre-Michel Menger. Quelle est alors l'ambivalence d'un artiste comme Mozart entre dépendance sociale et extrême confiance en son talent, entre transgression et soumission? Directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger poursuit son exploration du talent et du génie dans le monde des arts et des sciences dans le cadre de la grande enquête qu'il a initiée en 2017 sous le titre « Qu'est-ce que le talent ?» éléments de physique sociale des différences et des inégalités. Dans la petite présentation vidéo qui introduit les enjeux de cette série sur le site des cours du Collège de France, Pierre-Michel Menger rappelle le caractère fondamentalement indéfinissable du talent, ce dernier reposant sur la multiplicité des propriétés comme les qualités d'imagination, celles d'accumulation d'expériences personnelles pour maîtriser la variabilité des situations de travail. Mais nous ne connaissons pas le dosage exact de ces qualités-là, nous dit-il. Le talent est donc ce dosage mystérieux, indexé sur ce qu'on recherche le plus, dans un monde du travail transformé aujourd'hui par l'introduction massive des innovations, c'est-à-dire l'originalité et la créativité. Comment analyser alors l'innovation à partir des actes de travail? Comment les professions scientifiques et artistiques valorisent-elles la créativité? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 3 mars 2017 pour le cours de Pierre-Michel Menger, la question du talent et son management dans les organisations. Alors, l'individualisation comme variable d'un processus historique d'autonomisation et de professionnalisation. L'individualisation de l'activité créatrice qui est au foyer d'une conception fortement désocialisée du talent est en réalité le produit historiquement contingent de systèmes changeants d'organisation du travail. Et à ce titre, l'individualisation est une convention variable et révisable. On avait aperçu une partie de cet argument quand j'avais mentionné des résultats de travaux de David Pontil sur la transition entre authorship, contributorship et corporateship, comme il dit. Mais l'argument général est que cette individualisation résulte dans les domaines où on emploie les lexiques que j'étudie, résulte d'une dynamique d'autonomisation d'un monde professionnel qui se dote de ses règles propres, autonomos. C'est une thèse weberienne, célèbre, mais elle figure aussi au cœur d'analyses de Pierre Bourdieu que je vais examiner pendant le début de cette séance. Toute la conception de l'artiste causa sui, dont nous avons identifié les composantes historiques avec ce couple génie-originalité, est le produit de cette évolution vers l'autonomisation. Je cite ici des éléments d'un article ou d'un livre de Pierre Bourdieu qui s'appelle « Questions de sociologie » et je m'appuierai aussi sur un article assez connu qui s'appelle « Le marché des biens symboliques ». Bourdieu dit « L'autonomie de l'art et de l'artiste que la tradition hagiographique accepte comme allant de soi au nom de l'idéologie de l'œuvre d'art comme, entre guillemets, création, et de l'artiste comme créateur incréé n'est autre chose que l'autonomie, entre parenthèses, relative, les parenthèses comptent beaucoup, de cet espace de jeu que j'appelle un champ, autonomie qui s'institue peu à peu et sous certaines conditions au cours de l'histoire. » Et dans son livre « Les règles de l'art », Bourdieu note que l'intérêt pour la personne de l'écrivain et de l'artiste croît parallèlement à l'autonomisation du champ de production et à l'élévation corrélative du statut des producteurs. Donc, on est bien dans la situation que je décrivais. On en fait de cette individualisation et de cette centration sur l'individu auteur une variable dépendante. L'une des dimensions de cette autonomisation, nous l'avions vu, c'est le régime d'historicité et de réflexivité. L'activité est dotée d'une histoire, de transmission, de formation de mémoire de ses pratiques, de biographie des contributeurs essentiels, qui sont aussi les lieux où on va chercher à analyser tous les traits qui permettent peut-être d'expliquer quelles sont leurs caractéristiques. J'y reviendrai plus tard. C'est aussi une activité dotée d'un corpus ou même d'un répertoire d'œuvres qui vont servir d'exemple, y compris pour les publics qui forment leur écoute ou leur perception esthétique au contact de ces œuvres et qui forgent, mais plus loin de l'imitation servile, le cadre de référence dans lequel l'artiste, ceux qui discutent et évaluent son travail, les théoriciens, les critiques, les érudits, les historiens, et les publics qui fréquentent le domaine et les œuvres doivent se placer pour interpréter, comparer, classer, sélectionner les œuvres. L'analyse sociologique doit sans cesse se situer sur deux terrains d'analyse. La semaine dernière, j'indiquais avec l'argument de la désindividualisation horizontale qu'il s'agit de situer l'artiste dans un milieu professionnel pour étudier sous quelles conventions il ou elle coopère avec de multiples acteurs, sans la contribution desquels son travail n'est pas réalisable, ni socialement, ni économiquement soutenable. Mais la sociologie doit aussi traiter comme un fait social le degré plus ou moins élevé d'individualisation du travail, qu'il s'agisse des arts ou de toute autre chose, et vous verrez tout à l'heure en quoi cet argument résonne aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant. Et le crédit, il doit traiter aussi comme un fait social le crédit dont un domaine tout entier fait bénéficier celles et ceux qui en sont les praticiens les plus réputés. Sans l'attribution d'une valeur élevée au domaine, la formation et l'individualisation des réputations sont impossibles. Il existe sûrement des virtuoses de la cueillette des champignons, pour prendre l'exemple d'un monde social, celui de mushrooming, qui a été étudié par un collègue de Northwestern à Chicago, qui s'appelle Gary Allen Fine, qui est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelait The Everyday Genius. Vous voyez dans quelle direction nous allons. Mais il sera sans doute difficile de créditer les plus experts des cueilleurs de champignons d'un génie susceptible d'être admiré, en tout cas au-delà de leur cercle. Des expériences limites qui remettent en cause les frontières du domaine agissent comme des révélateurs. Le geste de Marcel Duchamp avec son invention des ready-made, porte-bouteilles, roues de bicyclette, urinoirs, présentés comme des œuvres, ce geste fait songer à une expérience naturelle. Qu'arrive-t-il si un artiste place un objet ordinaire dans l'enceinte sacralisante d'un musée ou d'une galerie ? Si l'artiste parvient à justifier que son acte relève d'un comportement artistique et qu'un sens peut être donné à son acte qui sera porté à son crédit de créateur, il aura confirmé une thèse émanatiste, ainsi exprimée de manière provocatrice par Kurt Schwitters, un célèbre artiste de la première moitié du XXe siècle, qui disait « Tout ce que crache un artiste est art ». On peut y voir l'écho des propos des artistes romantiques, tels que ceux que cite Pierre Bourdieu dans Le marché des biens symboliques. Faire triompher la manière de dire sur la chose dite, c'est-à-dire la forme sur le fond, d'une certaine manière, et la forme, c'est la maîtrise souveraine de l'individu. Sacrifier le sujet, autrefois directement soumis à la demande, à la manière de le traiter, au pur jeu des couleurs, des valeurs et des formes. Contraindre le langage pour contraindre l'attention au langage. Tout cela revient en définitive à affirmer la spécificité et l'insubstituabilité du produit et du producteur en mettant l'accent sur l'aspect le plus spécifique et le plus irremplaçable de l'acte de production. Et Pierre Bourdieu cite Delacroix, « Tous les sujets deviennent bons par le mérite de l'auteur. » Donc c'est Duchamp avant l'heure. « Ô jeune artiste, tu attends un sujet. Tout est sujet. Le sujet, c'est toi-même. Ce sont les impressions, tes émotions devant la nature. C'est en toi qu'il faut regarder et non autour de toi. » Et Bourdieu poursuit, « Le véritable sujet de l'œuvre n'est rien d'autre que la manière proprement artistique d'appréhender le monde, c'est-à-dire l'artiste lui-même, sa manière et son style, marque infaillible de la maîtrise qu'il a de son art. » L'analyse de l'autonomisation et de l'individualisation éminente de l'artiste doit être ici assortie d'une série d'observations. Le lexique du talent et du génie a la propriété suivante. Il fait passer du côté des facteurs de production, des déterminants de l'accomplissement professionnel, des qualifications qui sont entièrement fondées sur des évaluations comparatives et concurrentielles. Et il le fait de manière rétrospective, et ce, afin d'extrapoler une application à ce qui advient et à ce qui adviendra. J'espère que l'individu que je qualifie ou que j'espère identifier comme un talent ou un génie sera capable de produire encore ce que j'attends de lui. D'où cette imperfection épistémique forte des notions de talent et de génie au regard d'une analyse de causalité, puisqu'il s'agit de projeter sur des origines ce qui est observé d'après le résultat. Nous avons vu que le sujet amusait ironiquement ceux qui, comme Sartre, voient dans ces notions des concepts métaphysiques analogues aux vertus dormitives de l'opium. Mais nous avons aussi vu que cette critique ironique n'est pas le fin mot de l'histoire. En réalité, le vocabulaire de l'évaluation et donc la valorisation sélective de certaines caractéristiques à partir des jugements portés sur les produits, les œuvres par exemple, ou les résultats d'une recherche, s'infiltrent dans la caractérisation du travail et des qualités professionnelles, ce qui signifie tout simplement l'invention de nouvelles variables de stratification professionnelle, de hiérarchisation professionnelle, et à partir d'elles, par un mécanisme de percolation, une nouvelle définition de la façon normale d'être artiste. Une fois que les œuvres et les artistes qui incarnent les façons les plus admirées de faire de l'art ont été données en exemple. On rappellera que l'esthétique de l'originalité que j'ai étudiée antérieurement opère essentiellement hors des institutions. L'Académie des Beaux-Arts, par exemple, au XVIIIe et XIXe siècle, devait, elle, produire et conserver et entretenir le respect des canons et des règles d'enseignement et ne pas encourager délibérément à les contourner, à les déborder ou à les abattre. Et dans un contexte de structuration de telles professions hors d'un cadre de contrôle, soit communautaire, une profession auto-organisée comme le serait le monde de l'artisanat, soit organisationnelle, les artistes ne sont pas incorporés dans des organisations, comment est construite la hiérarchie des personnes ? Sur la valorisation et l'exemplarité de certaines qualités qui structurent et réordonnent la hiérarchie professionnelle. L'originalité est une qualité devenue le socle d'une esthétique de la création par différenciation, mais comment donc donner une telle qualité en exemple ? C'est tout le paradoxe de cette injonction contradictoire que contenait et la définition kantienne du génie et des propos comme ceux de Boulez que je citais antérieurement. Ce paradoxe fait en substance dire au créateur « Faites comme moi, n'écoutez pas vos maîtres, mais travaillez à vous donner en exemple. » Ceci veut dire que l'autodétermination n'est pas une fantaisie métaphysique, que c'est une doctrine professionnelle de l'excellence artistique, mais fondée sur un rapport profondément modifié entre la formation et la pratique. Si la question de la relation entre les qualités acquises et les qualités innées obsède tant les esthéticiens et les philosophes qui forgent la doctrine du primat de l'originalité, c'est bien sûr pour des motifs d'extension des possibilités d'innovation. Il faut dépasser les acquis, ne plus limiter. Mais aussi parce que sont en jeu les pouvoirs des institutions qui contrôlent la relation entre formation et professionnalisation et donc les chances de carrière. Mais il y a plus. Il s'agit de comprendre ce qu'est un monde professionnel tout entier organisé sous le régime de l'autofondation de l'identité professionnelle et d'une délégitimation, que je pourrais dire structurelle, de la formation. La formation a toujours beaucoup plus d'inertie que ce qui est en avance d'elle, la création ou la recherche. Elle est donc toujours en décalage par rapport à l'avancement des pratiques qui sont les plus valorisées et les plus admirées et qui doivent elles-mêmes être données en exemple. L'histoire des professions artistiques est celle d'une revendication d'un statut supérieur détaché du travail manuel et artisanal. Et la revendication de ce statut doit maximiser l'inventivité contre le respect des règles, fût-il virtuose ce respect. Et cette revendication statutaire doit s'établir sur la compétition par l'originalité contre une forme réduite de concurrence tempérée par un respect communautaire de valeurs professionnelles partagées, comme dans le cas de l'artisanat, où l'équilibre est toujours recherché dans l'autolimitation de l'inventivité distinctive. Or, comment se comportent les professions qui revendiquent un statut social élevé ? La formation initiale procure nécessairement le socle des connaissances qui vont fonder l'exercice professionnel, à la fois, un, parce que le métier exige des savoirs abstraits, deux, parce que le monopole que peuvent revendiquer les professions doit être fondé sur des garanties qui s'étendent à la totalité des professionnels qui détiennent et défendent un titre. La solidité de ce monopole est liée à la capacité de garantir la qualité de la formation et son actualisation plus ou moins régulière. C'est le fameux problème des grandfather's clauses, c'est-à-dire, une fois que j'ai obtenu le titre, je suis expert à vie. Un médecin, c'était peut-être le cas de la manière de réguler la profession il y a 50 ans, mais un médecin aujourd'hui doit se reformer continuellement pour rester au plus proche des avancées de la recherche, du moins s'il veut exercer son métier correctement. Et trois, parce que l'asymétrie de connaissances entre le professionnel et le client de ses services doit être assortie d'une relation de confiance du second envers le premier pour que soit assurée une relation équilibrée fondée pourtant sur l'autorité d'un savoir dont il est toujours possible pour le professionnel d'abuser pour en tirer avantage. C'est une fameuse critique des sociologues contre certaines théories de la professionnalisation et des professions. Le savoir à acquérir et à enrichir dans l'exercice de la pratique est donc un critère de sélection à l'entrée de la profession, une condition intrinsèque de la pratique, une garantie sociale et économique sur la valeur du service rendu et le socle d'une relation d'autorité non abusive. Il n'est dès lors pas étonnant que l'acquisition initiale du savoir soit une variable sélective et hiérarchisante et que le savoir soit un principe de stratification des milieux professionnels. L'élite, dans une profession recrutée sur ses bases exigeantes de formation initiale, et celle qui est au contact de la recherche, autrement dit, du renouvellement du savoir. Comment tout ceci peut-il bien s'appliquer aux arts qui revendiquent aussi un statut élevé ? Le savoir y est beaucoup plus difficile à définir. Bien sûr, il y a la distinction simple entre une formation initiale et une pratique créatrice, du moins pour les arts qui requièrent comme une condition nécessaire ou quasi nécessaire, une formation initiale. Mais les citations que je présentais antérieurement sur la nécessité et sur les bénéfices d'un effort de désapprentissage, ou même cette définition cursive et radicale de Berenson que je rappelais, le génie et la capacité de réagir de façon productive contre sa formation, ces propos vous indiquent l'enjeu dans le cas où une formation initiale longue et spécialisée a dû être acquise. Alors, bien sûr, la question que je viens de poser ne se pose pas avec la même intensité dans les différents arts. C'est ce qui rend ce monde si hétérogène. Parce que la relation entre les exigences de formation initiale technique et la pratique créatrice, cette relation varie beaucoup selon ces domaines artistiques. Il est des domaines qui exigent une formation initiale dont le niveau et l'organisation pyramidale agissent comme des principes extraordinairement rigoureux de sélection professionnelle. Je pense à la musique savante, à la danse classique et à certains égards au cinéma. Il en est qui n'exigent que la formation sur le tas. L'écriture romanesque ou poétique, même s'il existe maintenant des cours de creative writing, mais dont les praticiens ont acquis une culture du domaine suffisante pour soutenir une définition de la formation par l'apprentissage personnel. Il en est qui repose beaucoup sur la formation mutuelle, dans des ensembles ou des groupes. Les musiques pop et le rock fonctionnent comme ça. Et il en est qui combine des éléments de formation initiale non sélective et une forte intensité d'apprentissage sur le tas. Le jazz est un bon exemple. Aucun de ces dispositifs n'agit de manière aussi déterminante sur les chances de professionnalisation que dans les autres professions supérieures non artistiques. On peut toujours, dans les arts, se former autrement et une part considérable de la formation a lieu sur le tas. Les innovations esthétiques, réussies ou éphémères, consistent pour une part variable mais significative, à modifier les relations entre la formation et la pratique. C'était par exemple une des analyses qu'avaient menées Harrison et Cynthia White dans leur célèbre travail, La carrière des peintres, à propos des peintres impressionnistes. Ce que je veux retenir ici, c'est ce que suggère la forme radicale de destruction des règles et des conventions d'un art comme cette forme qu'incarne la roue de bicyclette ou l'urinoir de Duchamp. Un tel acte provocateur n'est crédible dans l'univers d'activité qui revendique un statut élevé que s'il peut énoncer que l'activité créatrice est en fait une sorte d'activité magique et pas simplement une activité technique. Mais à la différence de la pensée magique qui attribue le génie ou l'inspiration créatrice à un dieu ou à un démon, ici, l'acte de Duchamp consiste tout simplement à célébrer l'autonomie du monde artistique. Ce monde artistique est capable, au nom de son histoire et de toute l'énergie sociale accumulée dans la sacralisation de l'artiste, de démontrer qu'en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure après Schwitters, tout ce que peut cracher l'artiste est art. C'est le paradoxe extraordinaire de ces déconstructions avant-gardistes. Elles abolissent la frontière matérielle de l'œuvre avec les objets ordinaires ou avec les pratiques banales pour mieux affirmer le pouvoir souverain de l'artiste qui peut transformer la boue en or pourvu que la crédibilité de l'opération soit fondée sur une donation de sens et sur une attribution de valeur. Cette donation de sens et cette attribution de valeur reposent, comme le montrent bien ces cas limites, sur un capital collectif de crédibilité qui est investi dans des individus sous des conditions de compétition pour l'accès à la réputation et l'attribution d'un crédit à certains plutôt qu'à d'autres. Tout urinoir n'est pas transfigurable par n'importe quel artiste. Par un mécanisme aisément compréhensible de transfert magique, la sacralisation muséale et la diffusion élargie des chefs-d'œuvre du passé procure irrésistiblement un prestige inégalé à tous ceux qui peuvent faire aujourd'hui homologuer leur titre de créateur. Ce transfert d'aura symbolique des artistes consacrés du passé vers les créateurs du présent candidats à une possible consécration durable agit aussi sur la vitesse d'accréditation des audaces novatrices par les institutions publiques. En superposant à l'évaluation sélective opérée sur le long terme, celle qui précisément alimente les collections des musées, en tout cas des musées d'art du passé, un système de reconnaissance officielle agissant dans le court terme, précisément celui qui alimente les acquisitions d'œuvres pour les musées et collections publiques d'art contemporain. D'où d'ailleurs la double postulation de l'action publique, qui est une des variables de l'autonomisation dont je parle. Elle établit des conditions rigoureuses de sauvegarde de protection et de conservation dans le domaine relativement stable des valeurs artistiques et patrimoniales sélectionnées par les experts dans l'histoire des arts, et elle agit sur les valeurs volatiles et incertaines du présent selon un raisonnement au futur antérieur, selon lequel la collectivité publique n'aura pas laissé sans soutien ni reconnaissance des créateurs dont nul ne pouvait initialement mesurer l'importance exacte, mais en courant le risque d'être inéquitable dans ses choix à court terme ou inefficace à long terme, selon ce que jugent ou proposent d'acquérir les instances à qui est délégué le choix. La croyance en la valeur magique de l'acte créateur suppose des institutions de la valeur, on vient de le voir, dès lors qu'il s'agit de donner du crédit aux relations éventuellement les plus désaccordées possibles entre le savoir, celui qui vient de l'accumulation de l'histoire d'un domaine de création, c'est une qualification particulière du savoir, et la fantaisie créatrice allant jusqu'à ses expérimentations les plus déconstructrices d'un savoir technique. Encore une fois, le geste inaugural de Duchamp est à cet égard tout à fait décisoire. Tout ceci nous dit essentiellement comment une valeur grandissante est attribuée à l'art et aux artistes, à mesure que leur travail, mû par cet impératif d'originalité, se rend insubstituable à tout autre. Mais ceci ne nous dit encore rien de la différence de réussite entre les artistes qui sont tous ainsi collectivement soulevés et valorisés par leur domaine d'activité. Ici apparaît le problème qui est le plus difficile pour une entreprise sociologique. Expliquer que l'innovateur est à la fois le produit des déterminations du monde social, mais qu'il est aussi celui qui peut retourner ces déterminations contre elle-même pour que son œuvre soit davantage qu'une somme de conditions de possibilités et qu'elle soit davantage que le produit de conditions contingentes qui sont nécessairement fluctuantes et qui vont disparaître ensuite. Or, nous sommes dans un univers de durabilité, de l'admiration et de l'attribution de valeurs. Alors, est-ce que les grands artistes et les grands scientifiques défient les probabilités ? Dans son livre que je trouve remarquable sur Musil, qui est intitulé « L'homme probable, Robert Musil, le hasard, la moyenne et l'escargot de l'histoire », un livre qui date de 1993, Jacques Bouvresse, un collègue philosophe du Collège de France, a analysé les réflexions de Musil sur la moyenne, l'exception et le génie. Et Bouvresse fait notamment dialoguer Musil dans un des chapitres et les textes que le grand mathématicien français Henri Poincaré a consacré au hasard, qui est un thème central de l'œuvre de Musil. Musil était d'ailleurs lui-même un grand connaisseur des mathématiques et de la physique probabiliste. Voici comment Poincaré médite sur l'apparition aléatoire du génie. Lorsqu'on dit que les événements historiques obéissent aux lois du hasard, on veut dire généralement que leur occurrence dépend de la rencontre d'une multitude de causes qui ont agi d'une manière telle qu'il aurait suffi d'une différence minime dans les causes pour faire tourner les choses de façon complètement différente. Ça, ce sont les expériences d'Uchronie et de contrefactuel qui sont des régalades pour beaucoup et qui sont aussi des succès de librairie. Qu'est-ce qui se serait passé si tel personnage n'avait pas existé ? Ou si sa maman l'avait traité autrement. Ce qui a eu lieu aurait très bien pu ne pas avoir lieu, et ce qui n'a pas eu lieu, avoir lieu en sa place. Et il a tenu généralement à très peu de choses pour que les événements soient ce qu'ils ont été. Poincaré note que le plus grand des hasards est la naissance d'un grand homme. Ce n'est que par hasard que se sont rencontrées deux cellules génitales de sexe différent qui contenaient précisément chacune de son côté les éléments mystérieux dont la réaction mutuelle devait produire le génie. On tombera d'accord, dit Poincaré, que ces éléments doivent être rares et que leur rencontre est encore plus rare. Qu'il aurait fallu peu de choses pour dévier de sa route le spermatozoïde qui les portait. Il aurait suffi de le dévier d'un dixième de millimètre et Napoléon ne naissait pas et les destinées d'un continent étaient changées. Nul exemple ne peut mieux faire comprendre les véritables caractères du hasard. » Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minguer, la question du talent et son management dans les organisations. Dans son livre sur l'origine des génies, le sociologue et statisticien Claude Tellot, qui a travaillé sur tout autre chose, mais qui a aussi écrit un livre qui s'appelle « Tel père, tel fils » et qui a étudié les conditions de transmission du statut et des conditions sociales entre les générations et entre les pères et les mères et les enfants, et parmi d'autres sujets. Donc ce sociologue et statisticien Claude Tellot examine toute une diversité de facteurs et de conditions qui sont associés à l'émergence et à la carrière d'un échantillon de personnages qualifiés de génies qu'il a constitué pour enquêter précisément sur leurs caractéristiques biographiques et sur les déterminants possibles de leur élection. J'emploie un mot qui est familier du vocabulaire du protestantisme. Le protestantisme joue d'ailleurs un rôle dans la démonstration que mène Claude Tellot. Ces facteurs sont l'origine familiale, le capital génétique, les études, la religion, les pays de naissance, l'écologie sociale et culturelle de la naissance et du développement de ces personnages géniaux, les périodes de production des génies. Il peut y avoir des variations entre les périodes et les siècles. Le hasard joue, selon Tellot, un rôle essentiel dans cette analyse en tant que composition de deux ordres de causalité, biologique et sociale, qui se renforcent, évidemment, les facteurs sont en interaction. Croire à une série unique de causes, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient sociales, ne mène pas très loin. Mais elles peuvent aussi se contrarier, et si elles se contrarient, elles inclinent vers une comptabilité négative, celle des fameux génies qui ne sont pas éclos. C'est un sujet qui a beaucoup intrigué, par exemple T.S. Eliot, ou bien auquel fait allusion aussi Judith Schlanger dans un livre sur la vocation. Qu'est-ce qui se serait passé si ? Et nous aurions peut-être davantage de génies. Et vous pouvez mettre tous les facteurs en batterie derrière cette comptabilité contrefactuelle du regret. Le contrefactuel est un instrument essentiel du regret. La composition de diverses lignes causales n'équivaut donc pas assurément ici à un indéterminisme radical. Je reviendrai d'ailleurs l'année prochaine sur ce sujet-là parce qu'il existe des traitements extrêmement subtils de ces questions d'interaction des facteurs, non pas en raisonnement statique, mais en raisonnement dynamique, et je leur accorderai beaucoup d'importance parce qu'ils sont, à mon avis, tout à fait novateurs et qu'ils permettent de se débarrasser de beaucoup de conceptions statique et simplificatrice, et de trouver le moyen d'agir aussi, ce qui est une bonne équation. Poincaré, quant à lui, pour illustrer le pouvoir du hasard dans l'histoire, se sert du cas du génie pour ce procédé spectaculaire qui est de mise en contraste entre la petitesse des causes et la grandeur des effets. Vous vous souvenez que c'est aussi un des points que j'avais soulevé quand j'avais évoqué les modèles d'avantages cumulatifs. Qu'est-ce qui, à partir de différences indéterminées mais éventuellement minimes, peut produire des résultats et des divergences de situations considérables ? Dans le livre auquel je fais allusion, de Jacques Bouveresse, Bouveresse souligne que la critique par Musil de la mythologie de l'individu génial n'a pourtant rien à voir, dit-il, avec la tentation ou la prétention de nier, du côté de Musil, que les individus géniaux puissent exister réellement. Musil n'était pas sur cette ligne-là. Il pensait que les génies avaient une substance réelle et que ça n'était pas une fantaisie ou une simple construction sociale. Mais plutôt que d'assigner au génie une origine aléatoire ou indéterminée, celle de cette causa sui, comme dans cette idéologie romantique de l'autofondation de l'artiste, Musil discerne derrière le génie beaucoup de causes agissantes et, avant tout, l'organisation sociale que le XIXe siècle a commis l'erreur de sous-estimer. Je cite, « Naturellement, il y a aussi des différences individuelles, mais le siècle précédent les a surestimées, ces différences, et a construit le concept météorique du génie qui n'est pas tenable. Du point de vue de la psychologie individuelle, le génie est presque une erreur. C'est pour cela que l'on ne parvient pas tout à fait à tourner aujourd'hui. D'autant plus important est le complément apporté par la façon sociale de considérer les choses. Cette façon sociale, c'est, commente Bouveresse, la priorité de l'éducation et des circonstances sur les facteurs héréditaires et sur les données de la psychologie individuelle. Fort bien, mais comment avancer dans l'exploration de ces facteurs et de leurs interactions ? Se pourrait-il que l'on donne le nom de talent ou de génie à des qualités ou des combinaisons de qualités qu'on nomme ainsi parce qu'il faut bien identifier d'une manière ou d'une autre les facteurs de la réussite de ceux qui parviennent à se hisser au sommet de leur profession ou de leur champ d'expertise ? Mais alors que faut-il pour y parvenir ? Un différentiel considérable de capitaux individuels, capital de formation, capital social, capital économique. Tous ces raisonnements ont donné lieu à des travaux plus ou moins radicalement critiques qui seraient responsables de la réussite supérieure. Est-ce qu'il faut une intensité d'efforts exceptionnelle ou bien est-ce que le simple hasard peut suffire ? L'idée surprenante et féconde que Bouveresse tire pour mettre en dialogue Poincaré, le tenant du hasard, et Musil, le tenant de la causalité sociale, mais aussi grand probabiliste, comme je l'ai dit, relève de ce que j'appelais, dans l'intitulé de ce cours, une physique sociale. L'argumentation va porter sur ce qui provoque la distribution gaussienne des caractéristiques individuelles et des comportements humains. Poincaré, toujours dans ce chapitre sur le hasard de ce livre « Science et méthode », évoque le facteur des interactions humaines pour expliquer la concentration gaussienne autour de la moyenne. Je cite, d'après le livre de Bouveresse, « Quand des hommes sont rapprochés, ils ne se décident plus au hasard et indépendamment les uns des autres. Ils réagissent les uns sur les autres. Des causes multiples entrent en action, elles troublent les hommes, elles les entraînent à droite et à gauche, mais il y a une chose qu'elles ne peuvent détruire, ce sont leurs habitudes de moutons de Panurge. Et c'est cela qui se conserve. » On doit alors distinguer deux catégories de comportements. Les comportements qui sont façonnés par les interactions répétées et incessantes entre les individus et qui donnent lieu à des phénomènes d'influence, d'imitation, d'alignement. Cette détermination réciproque des comportements et leur alignement les uns sur les autres signifie que les moyennes que nous pouvons calculer et la distribution gaussienne que nous obtenons sur nombre de phénomènes sociaux ne résultent justement pas du comportement d'une multitude d'individus agissant indépendamment les uns des autres et pourvus de leurs caractéristiques originales, quelque différentes qu'elles soient, et se décidant avec une égale probabilité dans un sens ou d'un autre. C'est l'inverse. Autrement dit, à partir d'une grande variété de caractéristiques des individus, le fait qu'on les place en interaction, comme on mettrait des atomes en interaction dans une bonbonne de gaz, fait qu'à un moment donné, il y a une composition de ces différences qui provoque des phénomènes de distribution gaussienne. Ce que les sociologues appellent l'écologie de l'action, ou le pouvoir d'influence réciproque via les interactions, permet de créer une simplification considérable dans la variabilité des causes complexes qui s'exerce sur l'action de chacun. Et c'est selon l'argumentation de Poincaré telle qu'elle est commentée par Bouveresse, ce qui permet de soumettre des phénomènes comme les mariages, les divorces, les accidents, les suicides, à des calculs statistiques prédictifs, puisque la part du hasard est réduite par le jeu des interactions et des influences réciproques. L'autre catégorie de comportement concerne ceux qui agissent en plus grande indépendance, sans être autant soumis aux influences réciproques et qui se comportent de manière plus inventive. Il y a quantité de travaux sur les caractéristiques des individus qu'on peut qualifier de talentueux ou éventuellement de géniaux qui essaient de traquer des traits de ce type. Pensée divergente, capacité de supporter la solitude, dissimulation et écart par rapport au groupe, etc., etc. Tous ces traits ne sont pas des simples fantaisies de psychologues en mal d'explication. Les comportements intellectuels, commente Bouveresse à propos du texte de Musil, ne semblent justement pas posséder ces comportements-là, le genre d'indépendance stochastique qui rend possible l'application des règles de la probabilité et qui aboutit à des distributions gaussiennes. En d'autres termes, quand les individus ont pour moteur d'action de ne pas imiter autrui, et Dieu sait si on en a parlé antérieurement, et donc de récuser les influences, leurs comportements ne sont plus susceptibles d'une simple étude statistique. Eh bien, on pourra trouver une application de ce schéma d'analyse, mais une application un peu particulière, vous allez le voir, dans la manière dont Bourdieu lui-même reformule la question de l'aléa pour expliquer la réussite des grands artistes. Et Dieu sait si ça peut être un casse-tête dans son système qui a une forte ambition déterministe. Flaubert, tel que l'étudie Bourdieu dans ses Règles de l'art, le livre qui s'intitule ainsi, Flaubert objective son milieu social par son travail d'écrivain. Flaubert est en quelque sorte capable de déchiffrer son monde à l'aide de son travail. Alors, comment faire de l'artiste il en fait un quasi, enfin, pas tout à fait un sociologue, mais il en fait quelqu'un qui a une lecture quasi sociologique de son monde. Comment faire de l'artiste le révélateur des forces sociales qui le produisent? C'est l'argument de Bourdieu. Et mesurer alors la grandeur de l'œuvre à ce qu'on pourrait appeler une valeur de vérité sur le monde social, puisque c'est comme ça que Flaubert est interprété. L'art n'est-il pas gouverné par les mêmes forces qui déterminent l'organisation et la gravitation des autres sphères de la structure sociale? Deux conditions sont mises à ce surprenant retournement du déterminisme social contre lui-même. D'une part, les forces sociales qui déterminent causalement le comportement du grand artiste ont, selon Bourdieu, des propriétés contradictoires. Bourdieu prend soin de délier le filet qui enserrait l'artiste dans l'idéologie de sa classe. L'artiste n'a toutes les chances de surplomber et d'objectiver avec justesse le monde qu'il occupe, dans lequel il est, et dont il est pourtant un membre, que s'il n'a pas d'identité sociale cristallisée, que s'il n'est pas sous la dépendance de ses origines ni d'un groupe. C'est ce qui permet au créateur de produire une œuvre dotée d'une valeur de vérité, celle de l'objectivation de son monde social. Les grandes révolutions artistiques, dit Bourdieu, ne sont ni le fait ni des dominants ni des dominés. Elles incombent à ces êtres bâtards et inclassables dont les dispositions aristocratiques associées souvent à une origine sociale privilégiée et à la possession d'un grand capital symbolique soutiennent une profonde impatience des limites sociales mais aussi esthétiques et une intolérance hautaine de toutes les compromissions avec le siècle. Pensez à mettre ceci en relation avec ce que je disais tout à l'heure de l'argument de Poincaré commenté par Bouveresse. Et d'ailleurs, l'argument est exactement le même pour Manet, auquel Bourdieu a consacré ici même un cours dans les années 90. Et selon Bourdieu, Manet a un habitus constamment dual, bourgeois et bohème, conformiste et rebelle, ce qui l'incline à procéder, dit Bourdieu, à des doubles refus contradictoires. Et un autre cas sur lequel Bourdieu s'est penché très brièvement, malheureusement, c'était Beethoven. Bourdieu en fait aussi un être double, opérant dans un système musical en transition entre le mécénat princier de cour, avec les emplois de musicien de cour ou de maître de chapelle qui allaient avec, et le marché. Et la citation est ici, « Beethoven a pu être un grand innovateur musical parce qu'il a été un grand entrepreneur économique. Son génie économique était complètement mis au service d'un projet musical. » Donc on renverse la première phrase et la deuxième sont légèrement en pivot, a consisté à tirer parti avec un pragmatisme certain de la coexistence dans une période de transition de plusieurs sources concurrentes de revenus, parfois perçues comme incompatibles, le salon de musique et la salle de concert, les pensions ou les subsides versés par des mécènes cultivés, comme ces membres de la haute noblesse, qui s'engagent par contrat en 1809 à lui verser une importante somme d'argent, à condition qu'il réside à Vienne ou dans une autre ville de l'Empire des Habsbourg, et les billets d'entrée du public bourgeois, prêt à consommer non seulement les œuvres jouées en concert, mais aussi les partitions des morceaux faciles. Et on peut encore trouver un autre exemple dans le schéma qu'adopte Norbert Elias dans son analyse d'un cas, dans un ouvrage resté fragmentaire et d'un cas fameux, c'est Mozart. Et l'ouvrage s'appelle « Mozart, sociologie d'un génie ». Elias décrit un créateur qui est engagé dans une lutte de libération indissociablement esthétique et sociale, qui prend généralement appui sur les conflits internes aux classes dirigeantes pour étayer sa volonté d'émancipation. Le raisonnement d'Elias est fondé principalement sur l'hypothèse d'une relation de contrainte entre l'artiste et ceux qui le patronnent. Guillemets, les fameux patrons. Le facteur de déclenchement possible d'une émancipation dans cette situation de contrainte, c'est l'ambivalence de la personnalité de l'artiste, telle qu'elle peut s'accorder avec les transformations de la société où cet artiste, en l'occurrence Mozart, cherche les ressources de sa libération personnelle et professionnelle. Dans le cas de Mozart, cette ambivalence est, selon Elias, le produit de deux déterminismes, psycho-affectif et social, et d'un degré élevé de conscience de soi de l'artiste génial. Mozart est décrit comme un roturier sans manière de la petite bourgeoisie, mais dont la spontanéité et la franchise le mettent à l'abri d'un consentement psychologique à la domination telle qu'elle serait imposée par des relations univoques d'autorité mécénale. La force émancipatrice de Mozart est dès lors le produit de la composition de deux forces contraires, un rapport externe de dépendance et d'infériorité sociale, un mécanisme interne de réassurance fondé sur une confiance sans faille dans son exceptionnel talent, dans un sentiment de supériorité inébranlable sur ses collègues. Mozart apparaît ainsi transgressif et soumis, révolté et avide de reconnaissance de la part des puissants, supérieurement conscient de son talent et des moyens de lutter contre le système qui le bride, et attaché par son imagination musicale et sa conscience artistique au goût de cette société traditionnelle. Conscient de sa valeur, mais pris dans les mailles de la contrainte, il cherche donc les voies de l'émancipation par l'insubordination sociale et psychologique à l'égard de l'étiquette des relations de cour. La forte coloration édipienne de la révolte telle que la présente Elias superpose dans l'explication du comportement et de l'activité de Mozart un déterminisme psychanalytique à une liberté à l'égard de son histoire personnelle que lui confère sa conscience aiguë de sa valeur. Le schéma de cette torsion du déterminisme sur lui-même, rendu possible par les caractéristiques ambivalentes de l'individu et de la situation où il se meut, est bien là. J'ai annoncé tout à l'heure que, dans l'argument de Bourdieu, deux conditions sont mises à cette situation de retournement assez énigmatique du déterminisme social contre lui-même. Il y avait les forces sociales qui déterminent causalement le comportement du grand artiste et qui ont des propriétés contradictoires. Et puis, il y a, d'autre part, le fait que l'objectivation du monde social, par exemple par Flaubert, n'a rien d'une entreprise qui rapprocherait l'œuvre d'un essai sociologique avant l'heure, entrepris avec des moyens littéraires par un écrivain supérieurement conscient. Ça, ce serait la version naïve, Flaubert sociologue. L'opérateur de la torsion qui doit retourner ce déterminisme contre lui-même, dit Bourdieu, et d'ailleurs c'est un argument que Adorno aussi avait utilisé, c'est le travail sur la forme. Autrement dit, rester fidèle aux conditions de l'autonomisation du monde dans lequel on se situe. C'est la condition pour demeurer, en effet, dans la ligne de l'argument de l'autonomisation du champ artistique, et la condition pour se concentrer sur le cœur de l'insubstituabilité du travail artistique. Vous avez ici la citation que je voulais amener de Bourdieu. « Cette série de ruptures de toutes les relations qui, comme des amarres, pouvaient rattacher l'œuvre à des groupes, à leurs intérêts et à leurs habitudes, cette série de ruptures sont donc tout à fait analogues à celles qu'accomplit la science, mais ne sont pas voulues comme telles et s'opèrent au niveau le plus profond de la poétique insciente, c'est-à-dire du travail d'écriture et du travail de l'inconscient social que favorise le travail sur la forme, instrument d'une anamnèse à la fois favorisée et limitée par les dénégations qu'implique la mise en forme. Cet argument de Bourdieu repose sur un couple évidemment compliqué qui est un habitus désaccordé et un principe d'autonomisation dont on ne connaît pas exactement le mécanisme ni non plus s'il peut prendre fin, ce mouvement d'autonomisation. Si ce mouvement peut se retourner, se diluer, comme on le soupçonne d'ailleurs aujourd'hui, en voyant que, par exemple, l'art et ce qu'on appelle l'art biz font bon ménage, que des créateurs peuvent être situés au sommet des deux palmarès, et que les expériences d'avant-garde, par exemple en littérature, au cinéma et en musique, plus tardivement, ont partiellement ou totalement reflué. Ce qui violerait en quelque sorte le mouvement téléologique de l'autonomisation. Parler de travail sur la forme, c'est en réalité introduire des éléments d'irrégularité et de variabilité qui donnent crédit à l'idée que la valorisation de l'originalité augmente les chances de perturber les schémas d'analyse causale ordinaire des actions, des comportements et des réalisations de l'action. Alors, c'est la thèse à laquelle je viens maintenant. Ce propos que je viens d'introduire doit recevoir une qualification générale. Les domaines dont je parle sont des domaines dans lesquels les comportements de travail et les réalisations valorisent l'innovation et l'originalité comme des principes régulateurs, maximisent la variabilité et la différenciation, et récuse donc explicitement l'imitation comme une forme appauvrie et improductive de comportement, une fois dépassé le stade des apprentissages. Et si je suis le raisonnement de Poincaré, qu'on retrouve dans de nombreuses analyses contemporaines des systèmes complexes, la variabilité d'un système d'action augmente lorsque le travail et ses produits sont explicitement conçus et valorisés en fonction de leur coefficient de non-alignement. C'est dans ce cadre d'analyse que l'argument de l'aléa peut trouver une place, non pas à la manière d'une intrusion originelle de l'indéterminisme générateur de destins très divergents, le génie ou l'homme sans qualité, ou deux pôles, mais à la manière d'un coefficient perturbateur dans un système de travail empreint d'une forte variabilité. Je vais donner deux spécifications de l'aléa pour rendre la notion opératoire dans le cadre de ce déterminisme efficace dont j'ai déjà parlé et que j'essaie de pratiquer. 1. Le coefficient d'aléa sert habituellement à caractériser l'imprévisibilité de la découverte et de la nouveauté originale. Si les professions scientifiques et artistiques valorisent massivement la créativité, c'est dans l'exacte mesure où le travail créatif comporte en son cœur même un élément d'aléa. Il n'est pas que ça, mais il est ça. Comme l'indiquent les descriptions du processus de découverte par un enchaînement de phases distinctes, travail intensif, rumination infraconsciente, association inconsciente imprévisible entre des idées jusqu'ici non reliées, émergence de la découverte, contrôle scrupuleux de la valeur de l'idée nouvelle et communication publique des résultats. Nietzsche, que j'avais déjà cité précédemment, dans son livre sur lequel je reviens, « Humain, trop humain », s'emploie, comme vous le savez maintenant, à démystifier la croyance dans le génie et à le rapatrier dans le territoire du travail, du labeur, de l'effort. Pratiquant la philosophie du soupçon, il s'en prend à ces représentations du foudroiement de l'inspiration qu'ont intérêt à répandre les artistes pour entretenir la croyance dans leur pouvoir extraordinaire et dans leur pouvoir magique, en quelque sorte. Et il décrit ainsi le travail créateur. Les artistes ont quelque intérêt à ce que l'on croit à leurs intuitions subites, à leurs prétendues inspirations. Comme si l'idée de l'œuvre, d'art, du poème, la pensée fondamentale d'une philosophie, tombait du ciel tel un rayon de la grâce. En vérité, l'imagination du bon artiste ou penseur ne cesse pas de produire du bon, du médiocre et du mauvais, mais son jugement, et c'est en italique, extrêmement aiguisé et exercé. Je rappelle que Nietzsche a bien lu Kant, dont on connaît la célèbre critique de la faculté de juger, mais son jugement extrêmement aiguisé et exercé rejette, choisit, combine. On voit ainsi aujourd'hui, par les carnets de Beethoven, qu'il a composé ses plus magnifiques mélodies, petit à petit, les tirant pour ainsi dire d'esquisses multiples. Tous les grands hommes étaient de grands travailleurs infatigables quand il s'agissait d'inventer, mais aussi de rejeter, de trier, de remanier, d'arranger. Et dans l'aphorisme suivant, intitulé « Encore l'inspiration », il précise ainsi ce phasage. Quand l'énergie créatrice s'est accumulée pendant un certain temps, quelque obstacle en ayant empêché le cours, elle se déverse à la fin dans un flot aussi soudain que si se produisait une inspiration immédiate, sans aucun travail intérieur préalable, c'est-à-dire un miracle. C'est en cela que constitue l'illusion bien connue au maintien de laquelle sont un peu trop intéressés, on l'a vu, tous les artistes. Le capital n'a justement fait que s'accumuler. Il n'est pas tombé du ciel tout à coup. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 3 mars 2017 le cours de Pierre-Michel Minger, La question du talent et son management dans les organisations. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». Et plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous achèverons en compagnie de Pierre-Michel Minger la première partie de sa grande enquête sur 2 années autour de la notion du talent, un questionnement que nous retrouverons donc l'an prochain à faire à suivre. Et dans quelques instants, les petits matins, belle journée à l'écoute de France Culture.